Mais ce n'est pas possible! Oh là là, ce n'est pas possible ce que je viens de voir. Enfin, la saison de 10 couples parfaits est terminée. 10 couples parfaits, c'est quoi? C'est 10 garçons, 10 filles qui vont se rencontrer avec des petits clous tout rouillés. Ces 10 garçons et ces 10 filles vont alors jouer un jeu le plus incroyable de leur vie. Ce jeu se passera évidemment dans le respect de chacun. Ces personnes vont alors se rencontrer tour à tour et avancer avec ce diable de Shimizu. Il va y avoir des jeux, mais aussi des ruptures et des confrontations. Et vous allez devoir trouver votre match. Mais un match n'est pas si facile à trouver. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez droit d'entrer dans la Love Machine. La Love Machine est une machine qui permet de savoir si votre match est parfait ou non. Si votre match est parfait, vous partez en lune de miel directos. Vers la lune. Si votre match n'est pas parfait, par contre, vous revenez avec l'ensemble des autres candidats. Et ce jeu continue et se déroule en environ 12 semaines. 12 semaines de pur effort intense où le cerveau est mis à rude épreuve. Et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la fin de 10 couples parfaits. Ils ont trouvé les 10. Les bites, quoi. Je voulais dire les 10 couples parfaits. Merci à vous, les 10 couples parfaits. Autant vous dire que cela me fait tout chaud dans la cause. Bisous à toi, Jonathan Cohen, qui regarde 10 couples parfaits. Allez, fini les sauts d'humeur. Bisous à tous. Au revoir.